Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Québec City Rock City. Night Train au micro, merci de nous écouter toujours en plus grand nombre. Le sujet, la génération des baby boomers n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais, sauf dans l'imaginaire de personnes complètement déphasées, égarées, perdues et, je dirais, un peu bizarres. Vous savez, lorsqu'on suit l'actualité, de façon générale, vous et moi, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, on entend souvent des commentaires, je dirais peut-être un peu plus à la radio ici de Québec, là. Montréal a le piton un peu moins collé là-dessus, mais des commentaires plutôt désobligeants, plutôt négatifs à l'égard de la soi-disant génération des baby boomers. Donc, il y en a pour qui tout ce qui va mal, c'est la faute des boomers. Si l'économie est sur le cul, c'est la faute des boomers. Si, il y a des pédophiles, il y a de la criminalité, il y a toutes sortes d'affaires plates qui se passent, c'est la faute des boomers. S'il neige trop, puis le déneigement est mal fait en ville de Québec, hein, c'est la faute des boomers. Si leur matante à la maison n'a pas de bonne humeur, puis elle ne donne pas le biscuit, les petits mononcles, ben, c'est la faute des boomers. Je caricature, mais à peine. On entend aussi des commentaires sur d'autres générations, remarquez. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, d'autres commentateurs vont dire, « Ah, les jeunes comprennent rien, les jeunes c'est des drogués, les ci, c'est ça, comprends-tu, des pins dans le cul, bref. Les jeunes, mais eux autres non plus. Sont... » Tu sais, il y a du monde qui sont pas épargnés, mais je dirais, il y a comme une espèce de focus sur les baby boomers, c'est comme quoi que finalement, une fois que cette génération-là va avoir décollissé, tout va bien aller. Le Québec va se redresser et puis va être fier, va être prospère et avec une économie forte. Imaginez-vous, là. Or, j'ai des très mauvaises nouvelles pour ces commentateurs-là, ces cerveaux linéaires-là et un peu reptiliens qui ne comprennent pas grand-chose à part leur propre sottise, leur propre idiotie et leur propre bêtise. C'est que la génération des baby boomers n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Peut-être pour les démographes, tu sais, déjà, c'est des gens, les démographes, quand vous allez dans une université, là, si vous cherchez le département de la démographie, là, bien, vous en allez un petit peu dans le coin, demandez où est-ce qu'ils sont le département des vidanges, où est-ce qu'il y a le département de la conciergerie, ou en tout cas de l'entretien domestique, puis vous avez des chances de trouver le département de la démographie. Ça, c'est du monde complètement perdu. Je ne dis pas qu'ils ne font pas leur possible, en tout respect, mais c'est du monde complètement perdu. C'est des démographes, c'est des gens qui ont décidé, à un moment donné, qu'il y avait une génération qui s'appelait Baby Boomer, qui s'échelonnait de telle année à telle année sur une période d'à peu près 25 ans, peut-être même 30 ans. Je n'ai pas vérifié dans le menu détail. Mais ce que je sais, c'est que la génération des Baby Boomers a été catalogué dans une périodicité genre de 1945 ou 1943 ou 1940 à 1965 ou 68. OK? Donc, c'est une génération qui s'étend sur 25 ans. Donc, vous aurez compris comme moi que ça ne tient pas debout. La personne qui est née en 1946 ou 48 n'a pas les mêmes références que la personne qui est née en 1963. Hein? Il n'écoute pas la même musique. Okay? Il ne s'habille pas pareil. Il ne consomme pas pareil. Bref, ils sont très différents. Ben, ces deux-là sont dans la même génération selon nos grands statisticiens, nos grands penseurs. Donc, ça ne tient pas debout. Ils ne sont pas dans la même génération. OK? C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas avoir des gens dans une génération qui s'échelonne sur 25 ans, qui sont tous, qui ont tous les mêmes us et coutumes, qui ont tous possiblement les mêmes goûts, les mêmes valeurs, les mêmes profils, les mêmes codes de comportement, etc., etc. Ça tient pas debout. Fait qu'on vient de mettre la hache dans la génération des baby boomers aujourd'hui. Ce qui existe, si on avait été rigoureux, puis si on veut voir les choses correctement, là je m'adresse évidemment inutilement au petit mononcle là, qui aime ça bâcher pour bâcher, puis qui cherche des boucs émissaires avant de se regarder dans le miroir. Mais si on veut vraiment être rigoureux, on va tout simplement se dire qu'à partir, je sais pas, de 1940, il y a des enfants qui sont nés jusqu'à, je sais pas moi, en 1960 et, mettons, 1968. Donc, sur un horizon de 28 ans. OK? Puis que ces gens-là se regroupent en trois ou quatre générations différentes. Parce qu'une génération, si on se donne une définition claire et précise de ça, là, c'est du monde qui sont nés dans un espace de temps, une périodicité d'années, OK? Un intervalle d'années, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes goûts, qui aiment la même musique, qui aiment les mêmes, qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes, etc., etc., les mêmes codes de comportement, tout ça, comme je disais, les mêmes genres de vêtements. C'est ça, là, une génération. Fait que c'est maximum 7-8 ans, OK? Maximum 7-8 ans. Fait que quelqu'un qui est né en 1944, ben sa génération, si lui, ça part en 1944, ben sa génération à lui, à 7 ans, quelque part, en 1951-52, pas en 1959, puis en 1964. Comprenez-vous? Lui, là, il est à l'ère des crooners, puis d'Elvis Presley, puis je sais pas trop qui, Pat Boone. Tandis que l'autre, il est à l'ère des Beatles. Il sait même pas c'est qui. Alors, comprenez-vous? C'est juste donner une idée, puis là, on pourrait en faire de même dans chaque strate, là. Donc, la génération, soi-disant des boomers, n'existe pas. Ce qui existe, c'est trois ou quatre générations d'un intervalle d'à peu près 7-8 ans, tu sais, genre 1940 à 1947, 1947 à 1953, 1954 à 1961, puis 61, 68, mettons, tu sais, quelque chose comme ça. Là, on parle sérieusement. On parle sérieusement. Parce que là, on va avoir un découpage qui va faire en sorte qu'on va avoir des gens qui sont d'une même génération, de la même gang, le même clan. OK? Fait que mettez un X là-dessus, là. Les baby boomers. Tu sais, je sais pas pourquoi ça a été monté comme ça, honnêtement, là. Moi, ça me touche pas, honnêtement, là. Mais je trouve ça inconcevable. C'est ridicule. Juste parce que les gens sont nés à partir de la Deuxième Guerre mondiale, puis que le monde s'est mis à faire un petit peu plus d'enfants, on a décidé de ramasser ça dans un bucket sur 20, 25 ans, 30 ans, puis d'appeler tout ça la même génération. Oh, allô, allô! Quand tu tires la petite chaîne, là, le petit monsieur qui a monté ça, cette génération-là, quand tu tires la petite chaîne, là, hein, y a-tu de la lumière qui allume dans la petite ampoule? Non, hein? Elle est brûlée, l'ampoule. Faut que tu changes l'ampoule. Comprends-tu? Parce que là, elle est brûlée, puis elle était brûlée quand ils ont pensé à ça, la génération boomers. Elle n'existe pas. OK? C'est comme, prenez un autre exemple. Mettons la génération Y. Ça, là, je pense que c'est les 25-35 ou 38. Je ne sais pas trop. En tout cas, mettons que c'est les 25-35. OK? Donc, mettons, vous avez quelqu'un qui a 30 ans. OK? Là, vous dites, les Génération X, mettons, ils ont commencé en 1980, puis ils ont fini, mettons, en 2005. OK? Bon, sur 25 ans. Ça veut dire que quelqu'un qui est né en 1980, aujourd'hui a 36 ans, aurait les mêmes valeurs, serait de la même génération que quelqu'un qui a 11 ans. OK? Donc, quelqu'un de la génération Y qui aurait été catégorisé pareil comme les boomers l'ont été par erreur, ben, on aurait un gars ou une fille de 36 ans qui serait dans la même génération que quelqu'un de 11 ans. Je ne le répéterai pas une troisième fois. Ben, c'est cette même stupidité-là, cette même ridicule-là qui s'appliquerait à la génération des baby boomers si elle existait. Or, elle n'existe pas. OK? Alors, en conclusion, tous les timonards, tous les commentateurs, tous ceux qui utilisent les clivages générationnels, soit dit en passant, vous faites erreur. Parce qu'en plus que la génération boomer n'existe pas, mais que c'est plusieurs générations dans une période de temps, je ne sais pas, de 1940 à 1968-69. En plus que cette génération-là n'existe pas, les clivages générationnels n'existent plus de moins en moins, en tout cas. Comprenez-vous? Parce que vous avez des gens qui sont jeunes qui pensent comme des vieux, puis des gens qui sont vieux qui pensent de façon moderne. Fait qu'il y a tellement de variétés, il y a tellement de permutations possibles puis de différences qu'on peut pas, on peut pas catégoriser puis classer les gens selon l'âge. C'est réducteur, c'est simplificateur, c'est idiot. C'est sot, S-O-T, et non pas S-C-E-A-U. OK? Fait que là, ça serait peut-être bon d'arrêter de faire ça puis de voir les choses autrement, tu sais. OK? Quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui veut faire vraiment une analyse là, selon les générations, il peut le faire, mais il doit faire un découpage. Tu sais, tu prends une feuille blanche, tu pars de 1940 ou 50, puis tu t'en vas, je sais pas, moi, jusqu'en 1900, jusqu'en 2005-2010, puis là, ben, tu fais un découpage, puis tu regardes un petit peu ce qui se passe selon un certain nombre de strates d'âge, certaines strates de génération, point à la ligne. Mais tu commences pas à faire des jugements sur une génération en particulier, tels les boomers, qui a été mal catégorisé, mal monté. C'est vraiment pas une bonne idée. Fait que, en terminant, tu sais, je pense pas que quelqu'un, moi, qui a 69 ans, qui ait un tatou dans le cul, qui ait des pins dans les oreilles, comprends-tu, des anneaux dans le nez, OK? Et à contrepartie, je pense pas qu'un jeune non plus ait des comportements, c'est bien évident, OK? Fait qu'il y a des différences, mais sauf qu'il faut le faire de façon rigoureuse. Et les générations, c'est quelque chose à redéfinir, à repenser, et c'est de moins en moins important. Et on le voit, nous, sur le web, dans nos statistiques. Des fois, on a la surprise, et je termine là-dessus, de voir qu'il y a des groupes d'âge qui nous suivent, et on pensait que c'était d'autres groupes d'âge. Donc, le conseil vaut pour les timononcles, surtout les quelques bâcheux, comprends-tu? Qui s'en prennent, je ne sais pas moi, aux jeunes ou qui s'en prennent aux baby boomers. Les boys, si vous avez des statistiques raffinées, vous verriez qu'il y a possiblement 30% de votre auditoire qui vous écoute qui sont peut-être des boomers. Fait que quand vous crachez ces boomers, vous crachez sur votre auditoire, donc vous crachez sur vous-même, vous crachez sur l'équipe qui vous aide, puis vous crachez sur les publicitaires, les compagnies commanditaires qui vous donnent de l'argent pour passer de la pub pour rejoindre ces auditoires-là. Fait que vraiment, là, comme de la bêtise, c'est difficile de faire mieux. Fait que calmez-vous dans la génération un petit peu, les boys. C'était Radio B52, Night Train.